Les petites histoires de Tell Me. Cette histoire vous est offerte par PandaCraft, les kits créatifs et scientifiques pour les 3-12 ans. Je vous en dis plus en fin d'épisode. Bonne écoute. Alice au pays des Vikings. Je m'appelle Alice, j'ai 8 ans. On m'appelle la chasseuse de trésors, car dès que j'ai un peu de temps, je file me balader sur la plage à la recherche de trésors. Cet après-midi, mon regard se pose sur une pierre carrée, parfaitement lisse, qui brille comme du papier aluminium. Elle pèse bien plus lourd qu'un caillou ordinaire. En la retournant, je découvre un drôle de signe gravé. Une sorte de F avec les deux barres penchées vers le bas. Seule une personne est capable de me dire ce que c'est. Tatitieta. C'est une brocanteuse qui possède un tas d'objets qui vous font voyager dans le temps. Quand elle voit ma pierre, un sourire fait danser son visage. Elle sort une grosse loupe et l'examine sous tous les angles. Puis, elle farfouille dans sa bibliothèque, sort un livre plein de poussière, tousse, l'ouvre, retousse, puis s'arrête sur une page en marmonnant. « Mais oui, c'est ça! Alice, tu as trouvé une vraie merveille !»« Vraiment ?»« Oui, c'est une authentique rune viking! Et pas n'importe laquelle, c'est Anzouz, la rune d'Odin, le dieu créateur !»« Elle est magique ?» Ça dépasse mes connaissances, mais peut-être que si tu trouves la bonne formule, elle pourra peut-être te révéler son pouvoir. Je passe le reste de la journée enfermée dans ma chambre. Défense d'entrée, expérience en cours. Avec cet avertissement affiché dessus, personne n'ose venir me déranger. Je teste toutes les formules magiques que j'ai lues dans des livres d'aventure, entendues dans des films ou des dessins animés. Mais rien ne marche. Après 84 échecs, j'abandonne. Agacée, je m'affale sur mon lit. Mon réveil affiche 22 heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Je contemple la rune posée au pied de mon lit en me demandant si j'ai raison de m'acharner. Des caquettements de poules et des beuglements de vaches me tirent de mon sommeil. Une bonne odeur de feu de cheminée me chatouille les narines. Sauf que chez moi, il n'y a pas de poule, ni de vache, et encore moins de cheminée dans ma chambre. J'ouvre un œil. Une fille aux cheveux roux, coiffée d'un chapeau violet, me sourit. Je sursaute et me pelotonne à l'autre bout du lit. Je voudrais pas te faire peur. Je t'ai trouvée inconsciente sur la plage. T'étais trempée, comme si la mer t'avait rejetée. J'ai dû prendre un sacré coup sur la tête parce que je me souviens pas comment j'ai pu me retrouver là. Tout ce que je sais, c'est que je portais une salopette et que maintenant, je suis en tunique blanche à manches longues. Maman, t'as changé. Tes affaires sont en train de sécher dehors. Je suis où, là? Dans notre maison, à Birka. Jamais entendu parler. Ça m'étonne pas. T'as pas vraiment l'air d'ici. Oh, on peut dire ça, oui. Je m'appelle Alice. Et toi? Sabjorg, fille d'Harald, le grand explorateur des mers. Bon, maintenant que t'es réveillée, je vais te laisser. Il reste encore un peu de gruau pour reprendre des forces. Maman est à l'étable juste à côté. Moi, je dois filer préparer mon bateau. Je peux venir avec toi? Si tu veux, tu pourras m'aider. Elle me donne de quoi m'habiller et on file dehors. La maison de Sabjorg m'offre une vue imprenable sur la mer et sur la myriade de maisons qui s'étend sur tout le long de la côte et sur plusieurs pontons avec... Waouh! Des drakkars! Des quoi? Les bateaux là-bas! On appelle les bateaux comme ça chez toi? Ce sont des knors, des bateaux de commerce. Et le grand, là, c'est un landskip, un navire de guerre. Normalement, on en a plus, mais les autres sont partis faire la viking. Ce n'est pas le nom que vous portez? Mais qu'est-ce que tu racontes? La viking, c'est le nom des expéditions où l'on part explorer le monde. Et c'est pour ça que tu construis ton bateau? Pas du tout. C'est pour donner une bonne leçon à Viggo, le fils de la chef du village. Il se croit tout permis. Mon père est à la tête de la viking. Et cette face de fesse de bouc m'a dit... « Ton père est trop bête, il sait même pas naviguer. S'il découvre quelque chose, ce sera par hasard. » Et plutôt que de lui sauter dessus, je l'ai défié. À une course de bateau? Oui, on doit rallier l'île morte et revenir. Elle pointe une île au loin, entourée d'une épaisse brume. Elle ressemble au crâne d'un monstre géant. J'en tremble rien qu'à l'idée qu'en dessous, il y a un squelette géant. Mais en voyant le regard pétillant de Sabjorg, je me dis qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Elle m'amène jusqu'à une petite crique. Là, cachée dans une grotte masquée par la végétation, sa Björg me montre son bateau. Une petite barque avec, posée à l'intérieur, des rames, un mât, des cordages et une toile soigneusement roulée. Avec ton aide, on va monter le mât en 2 temps, 3 mouvements. J'ai du mal à le croire, mais effectivement, c'est un jeu d'enfant de transformer la petite barque en fier bateau prêt à voguer. Viggo m'attend à la sortie de la crique. On va y aller à la rame. Après quelques coups de rame, je découvre un bateau bien plus imposant que celui de sa Björg. Avec sa tête de dragon, ses boucliers posés sur le côté et sa voile rouge et blanche, on aurait dit la version miniature du vaisseau de guerre amarré au port. Ah bah ça alors ! T'es tellement sûr de perdre que t'as demandé de l'aide à l'étrangère que t'as ramassée sur la plage. Et toi alors ? T'as ramassé ton duo de tête de nœud ? Il y a une petite montagne qui dépasse les autres de 2 têtes et qui n'a pas l'air bien futée. L'autre maigrelet avec de longs cheveux blonds tressés a le regard mauvais. Il me sourit et sort un arc. Qu'est-ce qu'il fait ? T'inquiète pas. Tu connais la règle. Tobias tire une flèche et dès qu'elle touche l'eau, la course commence. T'as aucune chance avec ton bateau bricolé. Moi au moins, je l'ai construit de mes mains. C'est pas ma mère qui me l'a offert. Tobias, lance le départ qu'on lui donne une bonne leçon. Mais plutôt que de tirer une flèche en cloche, le gringalet en décoche une droit dans l'eau. La voile du landskip s'affale et file à toute vitesse. C'est de la triche ! Laisse-les prendre de l'avance, on n'aura aucun mal à les rattraper. Sa Björg avait raison d'être confiante. Son bateau vogue à toute allure. On les rattrape en un rien de temps et on les dépasse sans le moindre souci. Je me retourne et vois Viggo nous fixer méchamment avant d'éclater de rire et de beugler quelque chose en nous pointant d'un index rageur. Il n'a pas l'air d'aimer perdre. C'est le fils de la chef du village, je te rappelle. Oh non, c'est pas vrai! Tobias va nous tirer dessus! On est bien trop loin, il pourra jamais nous atteindre. Mais il a le vent avec lui! Et là, une flèche tranche l'une des cordes qui tient le mât, qui se met alors à vaciller. Une violente bourrasque le souffle, et le voilà qui s'écroule dans la barque. Les 3 affreux nous dépassent en gloussant comme des dindons maléfiques. C'est fini! Pas du tout. On a de la chance, rien n'est tombé à l'eau. Mais la voile est tout empêtrée et il a tranché un des cordages. Un bon marin a toujours des réserves. Aide-moi, on a une chance de les rattraper. Voilà! Tout est en place. Ils sont presque à l'île morte. Je vais devoir sortir mon arme secrète pour mettre toutes les chances de notre côté. Une girouette ? Ouais, il n'y a pas mieux pour être porté par des vents favorables. Enfin, le bateau des terreurs est en vue, presque perdu dans les brumes de l'île morte. Mais il y a un truc qui cloche. On dirait qu'il est à la dérive. Il mijote encore un mauvais coup, c'est sûr. Non, leur voile est déchirée. Et les boucliers, ils ont été jetés à l'eau. Par Odin ? Un monstre les aurait attaqués ? Écoute. Oh, qu'est-ce que c'est ? Des envahisseurs. Il faut prévenir le village. Mais enfin, il faut aller les sauver. Et tu crois qu'on est de taille ? On doit essayer. Imagine qu'ils les utilisent comme otages. C'est vrai que Viggo est le fils de la chef du village. Et avec sa grande bouche, ils doivent déjà tous être au courant. Aide-moi à défaire le mât. On va s'approcher en ramant. La brume de plus en plus épaisse nous permet d'approcher de 2 énormes bateaux de guerre qui avaient jeté l'ancre derrière l'île. Une barque était amarrée à l'arrière de l'île. Libérez-moi ou ma colère s'abattra sur vous. Regardez-moi, bande de pignouf des mers. 2 gardes jouent aux cartes à quelques mètres d'un piton rocheux où sont attachés les 3 boulets. Fatigué des insultes, l'un des 2 soldats se lève, s'approche des prisonniers et gifle Viggo si fort qu'il se ratatine aussitôt. Comment va-t-on faire pour les sauver ? Attache cette corde à ce piton rocheux, je vais les chercher. Sa Björg bondit comme un chat hors du canot et disparaît dans la brume. Le temps s'étire horriblement. Je sens s'égrener chaque seconde. Et soudain, une ombre surgit, suivie de 3 autres. Sa Björg ! Dépêchons-nous de partir d'ici ! Les 2 acolytes de Viggo ont l'air terrorisés. Leur chef, lui, fait une tête de vieux bouc contrarié. Lorsqu'on sort de la brume, des cris retentissent derrière l'île. Les gardes se sont aperçus de la disparition de leurs prisonniers. Trop tard. Tous les 5, on remet le mât en place et comme si les dieux étaient avec nous, Le vent tourne, gonfle notre voile et nous porte à une vitesse ahurissante jusque sur la rive de Birka. Une fois à terre, on se sépare sans rien dire. Avec sa Björg, on file prévenir sa mère de ce qui se trame derrière l'île morte. Quand elle apprend la nouvelle, elle s'étire et s'illumine d'un large sourire. Ça tombe bien! J'ai bien besoin d'un peu d'exercice. Je regarde au loin l'île embrumée, pensant aux deux navires de guerre qui surgiront bientôt pour envahir ces terres. Une corne de brume me fait sursauter et d'un coup, tout le village s'agite. Ne t'inquiète pas, petite. Chacun de nous vaut 50 de leurs hommes. Ils savent pas à qui ils se frottent. Birka ne tombera pas aujourd'hui. Peut-être même que notre corne de brume suffira à les faire fuir. Je me réveille. Il est 7 heures. Ma pierre est toujours posée au pied de mon lit. Je la contemple en souriant. Finalement, peut-être que j'ai trouvé la bonne formule pour déclencher son pouvoir. Cette histoire, c'est juste un aperçu de la culture viking. Si tu as envie de tout savoir sur cette civilisation géniale, tu devrais aller faire un tour sur PandaCraft avec tes parents. En ce moment, PandaCraft propose un super kit d'activités sur les vikings. Tu découvriras la manière dont ils vivaient vraiment, leur alphabet runique, les endroits du monde qu'ils ont explorés et des tas d'autres choses. Tu pourras même fabriquer une maquette d'un navire de guerre comme celui de Viggo. Rendez-vous sur pandacraft.com, PandaCraft.com, pour en apprendre plus sur ce thème et tous les kits géniaux que PandaCraft propose.